quelques instants. Restez avec nous dans le prochain journal sur Vivacité. Vous entendez ? La fête continue pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 4 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme le rôti de bœuf origine Belgique à moins 40%, soit seulement 9,49€ le kilo. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaires en magasin. Le 8-9 commence maintenant avec Sarah de Padua. Bonjour tout le monde. Regardez qui est là. Oh non. Ah. On va chanter. Et de quoi meubler aussi, parce que vous êtes en retard, les gars. Qu'est-ce qui se passe ? Pas poté. On attendait Benjamin Maréchal. Je ne sais pas ce qui se passe le vendredi, je ne comprends pas. Il arrive à 9h le vendredi. Pat Allen est là, il remplace Jean-Luc Fonck. Ça va, Pat ? Oui. Quand Jean-Luc Fonck fait grève le vendredi, je suis là. Il ne fait pas grève, il est en vacances. Oui, il est toujours la pilule au soleil dans le sud. C'est pas encore pire, il peut profiter, notre Jean-Luc, quand même. Non. Il nous amuse tous les vendredis. Nous, on est bien là. Vous êtes de mauvaise humeur. D'abord, il n'amuse personne. Christophe Grandjean, est-ce qu'il amuse, lui ? C'est quoi cette petite bestiole encore ? C'est le poète. C'est la bestiole du vendredi. C'est le... Évidemment, Pascal Michel, tout va bien ? Écoutez, oui, c'est vendredi, donc ça va. Tranquillement. Ouais. Voilà, il faut arrêter avec ça. Oui, maintenant vous arrêtez maintenant. Non. Oui, c'est une fois dans l'émission, c'est bon. Hein. C'est comme les enfants, fatigués, fatigantes. La météo tout de suite. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Avec Nicolas Xavier Ladouce. Nicolas Xavier. Bonjour. Oui, le vendredi, Denis Collard n'est pas là, hein, évidemment. Donc c'est moi qui prends le relais. Denis, Benjamin et Jean-Luc sont sur une île déserte et on est au turbin, comme on dit. Alors, ils sont là eux aussi, bien nombreux, malheureusement. Les nuages, ils nous viennent d'Allemagne ce matin, comme c'est exotique. Ils envahissent le ciel belge, ils sont doublés de brume, de brouillard, parfois de bruine aussi, malheureusement. Il va falloir être patient avant de retrouver un temps plus sec dans le courant de l'après-midi. Quelques éclaircies éventuellement aussi entre ces nuages, elles seront les plus nombreuses, ces quelques trouées en seconde partie d'après-midi. Quant aux températures maximales, elles sont stationnaires. On attend de 11 à 16 degrés aujourd'hui et le vent sera faible à modéré de secteur nord-est. Écoutez Vivacité, les 8h. À la une de l'actualité ce matin, les transports en commun perturbés. C'est la conséquence d'actions de grève contre les patrons et le gouvernement fédéral. Nathalie Servet fait le point dans une minute sur toutes les perturbations, car les transports en commun ne sont pas les seuls secteurs concernés. On suivra aussi ce matin le mécontentement chez ING, grève et rassemblement devant le siège central de la banque à Bruxelles. Un homme en colère, Bernard Westphal s'en prend aux enquêteurs après son acquittement. Parquet de Bruges qui a tout fait pour essayer de convaincre l'opinion publique que j'étais un salaud, un assassin ou un homme capable de poser ce genre de gestes. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas vrai. Bernard Westphal qui veut maintenant se reconstruire. Matthew a fait plus de 300 morts lors de son passage en Haïti. Dernier bilan catastrophique publié ce matin. L'ouragan est à présent sur les États-Unis. Les Diables Rouges face à la Bosnie ce soir en qualification pour la Coupe du Monde. Match important, les deux équipes sont à égalité de points. Et puis le FIFA a éteint ses projecteurs hier soir. C'est le film Orpheline qui a remporté le Bayard d'or du Festival de Namur. Nous entendrons le réalisateur. Une nouvelle journée d'action syndicale. Grève, blocage ou rassemblement, les syndicats se mobilisent à nouveau contre la politique du gouvernement de Charles Michel. Des actions qui ciblent aussi les patrons. Différents secteurs sont touchés et en premier lieu, Nathalie Servet, les transports en commun. Oui, ce sont les provinces de Hainaut et de Liège qui sont les plus touchées. La situation varie d'un dépôt à l'autre. Ainsi, très peu de bus sont sortis à Charleroi. 2 bus sur 10 sont sortis à la Louvière et dans la région du centre et 1 sur 2 à Mons ainsi qu'à Liège. Verviers. À Bruxelles, toutes les lignes sont desservies, mais vous devrez attendre un peu plus longtemps que d'habitude votre bus, tram ou métro. À la SNCB, aucune répercussion à signaler. Dans les aéroports, ce sont les bagagistes qui sont en grève. Les valises ne sont donc pas toujours acheminées vers les avions ou déchargées. Et d'autres secteurs sont aussi touchés, Nathalie, comme l'alimentaire. Oui, les usines Materne, Kraft en région namuroise ou Coca-Cola et Douegbert en région bruxelloise. Voilà quelques entreprises qui tournent au ralenti aujourd'hui. aujourd'hui. Des actions sont également prévues dans les dépôts des magasins Delez et Colruyt. Autres secteurs concernés, l'hôtellerie, les entreprises de gardiennage ou encore la métallurgie. Et puis il y a ce rassemblement prévu ce matin à Wavre. Oui, 4 à 6 000 agents du service public sont attendus dès 11h dans la ville du Premier ministre Charles Michel. Vu que ces agents ne seront pas à leur poste aujourd'hui, il faut s'attendre aussi à des perturbations dans certaines administrations, parcs à conteneurs ou encore dans les écoles. Mais en cas d'absence d'un ou plusieurs profs, les élèves seront pris en charge. Merci Nathalie. La colère aussi du personnel d'ING. Il se rassemble en ce moment à l'appel des syndicats devant les bâtiments du siège central de la banque à Bruxelles. Des agences ING sont également fermées aujourd'hui. Il s'agit ici de protester contre le plan de restructuration présenté lundi par la direction et qui prévoit la suppression de plus de 3000 emplois. Pour les syndicats, ces actions servent aussi à sensibiliser les membres du personnel qui ne sont pas encore qui ne sont pas encore suffisamment. Écoutez Jean-Michel Capoun, le secrétaire général du CETK. Le mot d'ordre, en tout cas, n'est pas spécialement de faire un piquet, c'est de conscientiser le personnel qu'ils ont tout intérêt, effectivement, à manifester leur désapprobation par rapport au plan qui est quand même scandaleux que la direction a mis sur la table cette semaine. Il y a encore une partie du personnel qui, selon vous, est insuffisamment informée ? Il y a une partie du personnel qui est insuffisamment informée, nous aussi, parce que en relisant effectivement l'ensemble du plan, nous constatons que, outre les licenciements, pour ING notamment, mais aussi pour AXA, il y aura aussi des mesures salariales importantes qui seront prises pour l'ensemble du personnel. Donc ça va impacter l'ensemble du personnel et d'ING et d'AXA. Jean-Michel Capoun du syndicat 740, rencontré par Dominique Delal lors de ce rassemblement qui commence ce matin devant le siège d'ING à Bruxelles. Bernard Westphal se réveille en homme libre. La cour d'assises du Hainaut a déclaré Bernard Westphal non coupable du meurtre de sa femme Véronique Piroton hier après-midi. L'ancien député wallon a été acquitté au bénéfice du doute par crainte de condamner un innocent. Il y a trop de zones d'ombre. Ce procès se termine d'ailleurs sans qu'on sache de quoi est morte Véronique Piroton. Bernard Westphal acquitté, il veut maintenant se reconstruire. Je vais essayer de me reconstruire après tout cela. Ça va pas être facile, ça va être douloureux, mais je vais essayer. Pourquoi ? Parce que j'ai Safia, j'ai Femi, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Je vais essayer. C'est terrible d'avoir vécu une chose pareille. Ça a été vraiment épouvantable, quoi. Et puis alors, ce déferlement médiatique contre moi, et puis alors aussi, ce parquet de Bruges qui a tout fait pour essayer de convaincre l'opinion publique que j'étais un salaud, un assassin ou un homme capable de poser ce genre de geste. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas vrai. On voit bien que je suis un homme libre, un homme respectueux des autres. L'important aujourd'hui, c'est de reconstruire. Reconstruire avec la partie civile, reconstruire avec tout le monde et passer un autre cap. Celui où l'amour va être roi dans une démarche d'humanité. Bernard Westphal à la sortie du palais de justice de Mons hier après-midi. Les enseignements et les conséquences de ce procès. Maintenant, Fabrice Gérard, vous êtes à Mons où vous avez suivi de bout en bout le procès de Bernard Westphal. On vient d'entendre Bernard Westphal qui s'en prend au parquet de Bruges. C'est lui qui a mené l'enquête puisque Véronique Piroton est morte à Ostende. Est-ce que des erreurs ont été commises pendant l'enquête et en particulier au début ? Oui Christophe, on peut le dire, dès le début de l'enquête, Bernard Westphal est présumé coupable, il est privé de liberté alors que Véronique Piroton, rendez-vous compte, n'est même pas encore officiellement décédée et il est très rapidement inculpé d'assassinat, donc de meurtre avec préméditation. Or à ce moment-là, l'ancien député wallon n'a été entendu qu'une seule fois et aucune autopsie du corps de la victime n'a encore été réalisée. Il va alors passer 10 mois en détention préventive avant que le parquet de Bruges ne requalifie les faits en meurtre. Et puis il y a également l'enquête tout au long de ces 2 années d'instruction. Une enquête bâclée, même l'avocat général a dû le concéder à mi-mot lors de l'audience. Un exemple, juste un exemple, celui de l'expert psychiatre, celui qui a déclaré que Bernard Westphal était un menteur pathologique. Eh bien il a reconnu lors de l'audience qu'il s'était notamment basé sur des coupures de presse pour faire son diagnostic. Et donc, au final, Bernard Westphal a été accusé à tort. Vous l'avez dit, il a été emprisonné. 10 mois de détention préventive. Est-ce qu'il peut demander réparation aujourd'hui ? Oui, il peut demander réparation et je vais vous dire plus, il nous l'a confié hier soir, il va le faire. D'abord deux plaintes en dommages et intérêts contre deux journalistes qui, selon ses termes, c'est ce qu'il nous a dit, ont manqué de la plus élémentaire déontologie. C'est un ténor du barreau de Bruxelles qui va porter ces deux plaintes devant un tribunal civil. Et puis Bernard Westphal, vous l'avez entendu dans l'extrait que vous allez passer, il est très virulent à l'égard du parquet de Bruges et il a également l'intention de porter plainte contre ce parquet de Bruges ainsi que son instance d'appel, le parquet général de Gand. Pour l'ancien député wallon, les deux parquets ont manqué de la plus élémentaire objectivité en menant une enquête uniquement à charge et dans un total mépris de la présomption d'innocence. Fabrice Gérard du service police-justice. Merci Fabrice. 8h08, l'ouragan Matthew est arrivé sur les États-Unis. Matthew souffle sur la Floride depuis quelques heures, des rafales à 210 km par heure. 2 millions de personnes ont été sommées d'évacuer en Floride, mais aussi en Caroline du Sud et en Géorgie. Auparavant, l'ouragan Matthew est passé sur les Caraïbes et il a provoqué une catastrophe en Haïti. Le dernier bilan ce matin est de plus de 300 morts. Un bilan provisoire car de nombreuses zones restent difficiles d'accès dans le sud-ouest de l'île. Les habitants ont déjà commencé à réparer ce qu'ils peuvent car ils n'attendent plus grand-chose des organisations internationales. En 2010, la gestion du tremblement de terre avait été un fiasco en Haïti. Le reportage d'Amélie Baron. Les pieds dans la boue, au milieu des troncs d'arbres abattus sur des dizaines de maisons, les habitants du quartier Sous Roche travaillent tous pour replacer sur leurs toits les quelques tôles qui ont pu être récupérées. Cette solidarité, c'est la solution pour Chéré Junior Gétro. Je crois que pour sortir de la terrible situation dans laquelle on est, il faut une collaboration totale entre tous les Haïtiens. Parce que si on laisse la société continuer comme avant, à chaque désastre naturel, il y aura beaucoup d'autres victimes et de dégâts. Donc on doit se battre pour trouver une solution quand même. Les Haïtiens pour aider Haïti, c'est le credo aussi de Gédéon Dorfeuille, qui est plus que critique face à l'aide étrangère. Le travail, c'est à nous de le commencer avant tout. Je ne crois pas en l'aide internationale. Après le séisme, on a dit que 6 milliards avaient été dépensés, mais 6 ans après, Port-au-Prince n'a pas changé. Ce n'est pas d'argent dont on a besoin, mais de matériel. Et surtout pas l'armée, comme ça s'est passé le jour d'après le séisme, quand le peuple avait besoin d'eau potable et qu'on a vu arriver des Américains avec leurs armes. Dans leur quartier dévasté, les sinistrés s'activent sans attendre ni l'aide de l'État, ni celle surtout donc de l'international. Un reportage d'Amélie Baron à Haïti. Le 8-9 Sport, Belgique-Bosnie, c'est ce soir au stade Roi-Baudouin. C'est le deuxième match comptant pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde et ce sera un bon test pour les Diables Rouges, Ibi Brozakis. Effectivement, Christophe, les deux équipes comptent chacune 3 points après la première journée. Et la Bosnie, c'est tout simplement l'adversaire le plus costaud du groupe, en théorie, avec ses stars, Miralem Pjanic qui joue à la Juve, Vukadin Dzeko, la vedette qui évolue à l'AS Rome. Dzeko, c'est l'homme fort de cette équipe. Il aime plutôt bien les Belges. Il a marqué 5 buts en 4 matchs face aux Diables Rouges. Toby Alderweireld, le défenseur, est prévenu. C'est un joueur très fort, très technique pour sa taille. Il sait bien utiliser son corps et est un véritable tueur devant le but. Donc il faut essayer de le mettre hors du match et alors on évacue déjà une grosse part du danger bosnien. Pour affronter la Bosnie, les Diables Rouges sont privés de 6 éléments et non des moindres. De Bruyne, Vermaelen, Dembélé, Nangolan, Kompany ou encore Thorgan Hazard, tous blessés. Et pour remplacer Thorgan Hazard, qui était pressenti en qualité de titulaire, l'entraîneur misera soit sur Nasser Chadli, soit sur Dries Mertens. Dries Mertens est prêt. Moi, j'ai très envie de jouer ce match. Et je crois que quand je vois l'entraînement, tout le monde a envie de jouer ce match et on va faire tout pour gagner ce match. Je crois qu'on doit montrer à tout le monde qu'on est quand même une équipe forte et qu'on peut jouer. Si on a le ballon dans le groupe, on peut jouer. Entendez par là, produire du beau jeu, Christophe. On l'espère, on verra ce soir. Evie Brouzakis avec des interviews signées Thierry Luther, c'est Manuel Jousse, coup d'envoi du match à 20h45. Rencontre à suivre sur la une, sur la plateforme internet Ovio et sur Vivacité. Émission spéciale complètement foot dès 19h. En tennis, David Goffin s'est qualifié cette nuit pour les demi-finales du tournoi de Tokyo. Le Belge a battu le Portugais Rao Souza en 3 manches. Plus que 3 jours avant la grande soirée CAC 48. Et d'ici là, jetez-vous sur les vendeurs de post-it. Chaque carnet acheté viendra en aide aux handicapés. Le personnel de la RTBF mouillera le maillot aussi, comme cette équipe emmenée par Julie Morel qui va marcher 100 km ce week-end au profit du centre Les Héliotropes à Incourt dans le Brabant wallon. Les Héliotropes, c'est un centre thérapeutique de jour. Il accueille des personnes handicapées mentales en situation de crise aiguë. Ces adultes souffrent à la fois de déficience intellectuelle et de troubles psychiatriques. La directrice du centre, Nathalie Delven, explique à Sébastien Joris quels sont les principes de leur prise en charge. Toutes leurs difficultés de comportement sont des symptômes. Et un symptôme, ça sort les choses du registre de « il le fait exprès ». Un symptôme, c'est une production spontanée, ils ne le font pas exprès, ils sont les premiers à les subir. Et donc on ne se fâche jamais. On ne se fâche pas sur ces symptômes, on ne crie pas sur eux, on n'élève pas la voix, on ne les punit pas, on ne les sanctionne pas, on ne les isole pas, on ne les contentionne pas. On essaye de travailler par l'observation, l'anticipation et l'apaisement. Par exemple, commencer à chanter quand quelqu'un s'énerve, vous parler de plus en plus bas, marcher plus doucement, aller toucher quelqu'un qui a un vécu corporel compliqué, se mettre tout prêt, prendre dans nos bras, mettre les mains dans les cheveux, enfin voilà, des choses comme ça. Le centre a aussi développé une équipe mobile qui se déplace dans les familles ou dans les hôpitaux psychiatriques. Et puis la fin du FIF, hier soir à Namur. Le festival du film francophone a rendu son palmarès. Le Bayard d'or du meilleur film va à Arnaud Despalières pour son film Orpheline. Le réalisateur est ravi que son travail soit récompensé. C'est un long travail de faire un film. Ce film a été, je dirais, particulièrement compliqué à faire parce que c'est un film qui contient 4 films en fait, avec à chaque fois un personnage différent, 4 moments de la vie d'une femme à plusieurs âges de sa vie, et en fait il a fallu quasiment recréer l'univers de 4 films. J'ai l'impression qu'on a travaillé 4 fois plus, j'ai l'impression qu'il fallait y croire 4 fois plus, et un prix, c'est surtout quand on prend des risques, c'est l'impression qu'on n'a pas travaillé pour rien. J'espère que c'est un indice que le film réussira à accorder plus d'un spectateur. Avec un très beau casting. Oui, surtout, je dirais, les actrices qui, de par leur personnalité, leur manière extrêmement distincte d'être, et réellement chacune à leur manière. Arnaud Despalières au micro de Christine Pinchard. Les 4 actrices de ce film Orpheline, c'est Adèle Hanel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigaud et Vega Kusitek. Et toutes les 4 ont reçu le Bayard d'or de la meilleure comédienne. Bravo à elle. Et puis le FIF, c'est terminé. Rendez-vous l'année prochaine. Qui s'y est rendu au Festival international du film francophone? Non, je travaille. Regardez-le. Oui, travailler au queue. Oui, vous avez 4 minutes tous les matins à la radio. Ce n'est pas non plus un job à part entière, Patalène. Oui, moi j'étais à la pêche. Donc c'est très difficile d'être à la fois au cinéma et être à la pêche en même temps. Ça ravit. C'est quand? Ça vient de se terminer hier soir, donc rendez-vous l'année prochaine. Mais je travaillais aussi, moi. Oh là là. Tous ces gens mais travaillent, oui. C'est incroyable. Christophe de Chavannes sera notre invité tout à l'heure pour nous parler de sa tournée Hache tendre et Tête de bois. Sa tournée, parce que c'est le nouveau producteur, avec toutes les stars des années 60 qui remontent sur scène. Il y a ça, notamment. Les Rubettes. Moi aussi je travaille, hein, dis donc. On a Gérard Lenormand aussi qui est sur scène. Qui a dit oui parce que Christophe de Chavannes était producteur. Rendez-vous tout à l'heure aux alentours de 8h40. Il est 8h15, Cactus. Le Cactus revient ce matin sur l'absence remarquée de Peter de Crème au Parlement. Le secrétaire d'État était parti 6 semaines à Harvard pour une formation. Mais oui, parfaitement, Benjamin, vous avez changé. Peter de Crème est rentré en Belgique et il était avec nous ce matin. Monsieur de Crème, bonjour. C'est quand même incroyable, on ne peut plus faire de télétravail maintenant. Oui, hein. Monsieur de Crème, 6 semaines d'absence aux États-Unis alors que vous êtes secrétaire d'État, excusez-moi. Je montre l'exemple, 6 semaines de formation sans perte de salaire. Ah oui. Je voudrais dire qu'on dit de moi que je ne fais rien au Parlement et c'est faux. J'arrive à 8h30, je prépare les cafés, les biscuits, je vérifie les papiers dans les toilettes et après j'envoie toujours un SMS à André Flau pour lui dire qu'il a été le pire ministre de la Défense depuis Charles Quint. Hein. C'est bon. Il n'y a personne pour le café et les biscuits au Parlement alors Si, un stagiaire un peu placé qui devait faire ses heures pour prouver qu'il avait droit à ses rétributions. Bon, qui donc? Le prince Laurent, vous connaissez? De nom. Ah, mais ça ne convenait pas, il y avait des poils de Labrador dans les biscuits. Le café avait un goût de poule. Allez, alors moi après je m'assieds et c'est fini. Mais, excusez-moi, mais vous travaillez combien de temps en réalité au Parlement? 12 minutes. Ah, oui. C'est 3 fois plus que vous. Oui. Ça est vrai que ce n'est pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une dépression à cause de ça. Vous rendez compte, je ne travaille quasi plus. Je suis en dépression. C'est affreux. J'ai l'impression d'être un wallon. Oui, effectivement. Ah, ça, moi aussi, je confirme. Hein. Il devient wallon. Hein. Il n'en faut plus une et il commence à profiter. Oui, alors monsieur Doué, on n'en rajoutait pas. Et puis pardon, mais alors être wallon, c'est quand c'est même... la meilleure chose qui pouvait arriver à deux crèmes dans le douille. Voilà, monsieur Gobelet. Ça permettrait à ce Fourier d'être enfin aimable et de vibrer en chantant la petite gaillonne. C'est ça, bon. Cette tête d'asperge est payée des millions par le contribuable qui, lui, n'est plus rétribué qu'en route 40. Mon Dieu, quelle soupe. Alors, monsieur Michel, vous avez bien fait de le rappeler, Peter de Crème. Hein. Oui, il était temps, vraiment, ce n'était plus tenable. Il n'y avait plus de Moltenel triple épaisseur dans les toilettes hommes. Oui, heureusement, il me restait dans la poche quelques feuillets de revendications de la FGTB que j'avais rencontrés l'après-midi. Oui. Sans ça, je pense que j'aurais oui, vraiment ça va, ça été... Va. Non, mais nous, on sait ce que c'est. Vous savez, nous, on sait ce que c'est. Alors, c'est cette petite réunion avec les syndicats, ça a bien passé, m'a-t-on dit. Je leur proposais de délocaliser leur action à l'étranger pour aller défendre les travailleurs belges eux-mêmes délocalisés. Tiens. Avouez qu'un barbecue saucisse au Bangladesh pour y défendre des métallos carolos sur un pont de singe à Chittagong, ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule, oui, ça c'est... Berthaud Ever a également émis l'idée que tout le PS les accompagne, mais je ne peux décemment pas faire ça. Ah, à vous tenez tête à Berthaud Ever maintenant, c'est nouveau ça. Non, mais attendez, envoyer le PS dans les pays en voie de développement, dans 15 ans, ces gens seront revenus à l'âge de pierre. Oui, évidemment. Un peu de solidarité internationale tout de même. Évidemment. Peter, 6 cafés et quelques délicieux, s'il te plaît. Monsieur Gobelet, cette réunion, alors ? Constructive, des décisions ont été prises avec nos camarades enseignants. Ah oui. Désormais, dans les classes, tout le monde s'assoira à gauche, oui. Sauf les gamins merdes de l'autre côté. On commencera toujours la classe par rester assis 3 heures sans rien faire, afin de s'habituer à l'attendre dans les bureaux du forum. C'est très bien. Et on bloquera les corridors avec des charrettes du Colruyt pour les revendications ça va, du délégué de bon, classe. Alors un mot pour conclure sur le procès de Bernard Westphal, après le port du voile autorisé dans les établissements scolaires, voilà, le port du sac plastique également légalisé. Alors Jean-Marc Nollet, vous étiez un compagnon de route de Bernard Westphal au Parti Écolo. Comment avez-vous vécu ces deux derniers mois ? Mais c'est une délectation. Ah bon ? On n'a jamais autant parlé d'Écolo depuis 2 mois. C'est vrai. Il nous fallait bien ça, parce que je crois que les électeurs ne savent même plus que nous étions un parti politique, mais juste une sous-branche de Gaïa. Ah bon ? Je me suis rendu compte hier, lors d'une interview, que je ne me souvenais même plus du nom de notre président de parti. Ah bon, ils sont deux, hein, Zakia Katabi et Patrick Dupriez. Qui ça ? Bon, et enfin, un dernier mot sur l'arbitrage vidéo qui va arriver en Belgique. Ostende semble être le club choisi pour les premiers tests, mais priorité sera d'abord donnée aux chambres des hôtels de la cité côtière. Ah ben bah, bon, allez, je joue pas en Bosnie, mais je m'en barre les couilles. Il faut l'avoir oublié, ça, ce petit... Avec la collaboration de Fabien Le Castel, le cactus de ce vendredi. À voir et à revoir sur notre page Facebook, le 8-9, c'était très mélangé. Ah d'accord. Ah oui, c'était bariolé. Il y a, il y a un sous-texte là-dedans. C'est là que je voulais en venir. Donc rendez-vous sur la page Facebook pour revoir avec les images. En plus, c'est d'autant mieux. Rendez-vous sur le 8-9 RTBF. Il est 8h20, c'est ça le 8-9. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, porte et châssis avec une promesse, la transparence. Et on part sur les routes de retrouver Serge, notre motard. Alors Serge, visiblement l'accident qu'il y avait sur le ring à Zelig, c'est fini. C'est fini, hein, j'en ai pas vu même de traces de cet accident. Donc on parle bien du ring intérieur entre Zelig et Jette au kilomètre 47, si je me souviens bien. Donc tout va bien, bon, il y a du monde évidemment, comme tous les jours à cette heure-ci. Du monde également, il y en a pas mal dans tous les changeurs de Strombeek, mais là aussi malheureusement c'est quotidien, hein, dans les deux sens, assez bien de circulation. Sinon sur les autoroutes, là c'est un petit peu plus calme que d'habitude, vous perdez plus ou moins un quart d'heure pour arriver à Bruxelles par exemple par la E411, c'est pareil par la E40. Et alors là pour l'instant maintenant je vais aller voir à Brucargo car il semblerait qu'il y a quelques soucis de circulation, donc Brucargo tout près de Zaventem. Un grand merci Serge, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour un nouveau point sur les routes, le 8-9 avec Sarah de Padua. Ça reprend maintenant, je rappelle que tout à l'heure elle recevra l'animateur Christophe de Chavannes. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Pour leurs 51 ans, Stellemans vous offre la TVA sur des centaines de nouveautés et bien plus encore. Action du 3 au 15 octobre inclus, ouvert même le dimanche 9 octobre. Voir conditions en magasin. Stellemans. OLED, LED, électro, IFI, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Stellemans. Attention, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Pourquoi il rigole? Lui aussi doit rouler en Skoda. On est toujours plus détendu que les autres. On se sent beaucoup plus détendu quand on roule en Skoda. Skoda offre 2 ans d'entretien et de réparation gratuit à la signature d'un contrat WeCare de 3 ans. Profitez aussi d'une Skoda Octavia Break à partir de 15 495 euros, prime de recyclage déjà déduite. Pour des offres complètement détendues, ne cherchez pas, c'est chez Skoda. Offre soumise à condition, plus d'infos sur skoda.be. Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle de fermeté. C'est la préoccupation numéro 1 des femmes. Et y a-t-il une solution numéro 1? Oui, la gamme Resveratrol Lift, des soins anti-âge au resveratrol de vigne breveté par Caudalie et Harvard. Ils raffermissent la structure du visage et augmentent la production naturelle d'acide hyaluronique qui lui repulpe la peau. Ah, j'ai envie de l'essayer. Dans cette gamme, essayez surtout la toute nouvelle crème cachemire. Resveratrol Lift de Caudalie, le premier lifting naturel et efficace. En ce moment, pour l'achat d'un produit Resveratrol Lift, 1 mois de soins anti-rides nuit offert dans la limite des stocks disponibles en pharmacie et parapharmacie. La route pour la qualification mondiale 2018 continue. Les Diables Rouges face à la Bosnie-Herzégovine. Ce vendredi en direct sur la Une, Vivacité et rtbf.be/ovio. Carrefour, partenaire des Diables Rouges et magasin des supporters. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Bonjour, j'ai vu que vous faisiez la boxe de SFR à 39 euros par mois. Oui, je peux aussi vous mettre plein de sportifs dans votre boxe. Du cycliste, du footballeur, du basketteur. Et tout ça va rentrer? Oui, à part LeBron James avec ses 3 mètres et ses 200 kilos. Toi, je vais te slam dunker ton derrière. Et voilà! SFR met plein d'émotions dans la boxe. Profitez-en pour 39 euros par mois pendant un an avec l'option Eleven Sport offerte pendant un mois. Plus d'infos au 02 226 55 55. Offre soumise à condition. SFR et tout s'accélère. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pat Allen est là pour la chanson de ce vendredi. Pat pour Raymond, vous avez dû placer Marlin, c'est un petit poisson. Oui, c'est un gros poisson avec un rostre. Un quoi? Un rostre, une pointe. Donc un marlin, c'est un poisson avec un rostre, comme un espadon. Comme l'espadon, oui. Autre mot parrainage pour Pascal, mégalodon pour Daniel. C'était et parapluie mettre, pour Martine. Oui, il faut articuler, à mon avis, dans la chanson. Le titre de votre œuvre? Il y a toujours un bon produit, parce que là, on a une actualité qui nous a montré qu'il y avait encore 5 sportifs à Rio qui étaient encore exclus à cause du dopage. Donc, ah, voilà. Ça va. Il faut prendre un bon produit, oui. Exactement. Et on reçoit Christophe de Chavanneau tout à l'heure. Oui. Aucune transition. Oui, on connaît le monde de la télé, mais lui n'est pas. C'est que des vitamines, du jus d'orange, des bananes et des ananas. Sarah Viss, tout à l'heure justement, la cuisine pour le sport. Exactement, c'est l'opération Cooking for Sport. Alors l'idée, c'est de faire le plus grand dîner caritatif du monde chez vous, à la maison. Faut de la place. Voilà. Ouais. Tentez, non, Christophe pas spécialement, vous allez voir. Tentez. Moi, j'ai pas beaucoup de place, du coup. Non, mais vous pouvez mettre quand même... Faut pas recevoir des gens, c'est juste faire le plus grand dîner. 8h25, le Zap Télé avec vous, Pascal Michel. On parle de Poulvorde qui se lâche dans les médias. Oui, Benoît Poulvorde qui a accordé une interview au magazine SoFilm. Alors, c'est vrai que pour un journaliste, une fois qu'on a Benoît Poulvorde en interview, c'est toujours jouissif parce qu'on sait bien qu'il va balancer sur tout le monde. Et une fois n'est pas coutume, il a donc balancé sur tout le monde. Parmi ses cibles, il y avait notamment Thierry Ardisson. Alors, il a dit de Thierry Ardisson, il a dit « Ardisson n'est pas une ordure, par contre, il est cynique et c'est peut-être pire. » Alors, si on s'arrêtait là, ça pourrait aller. Sauf que Ardisson, quand on le chatouille un petit peu, il a envie de répondre. Et il a juste dit, dans une autre interview, il dit « Il faut vraiment qu'il arrête de picoler. Monsieur Poulvorde a, semble-t-il, la mémoire courte, puisqu'il a fait sa toute première télé dans Paris Dernière, qui est donc l'émission qui était présentée par Thierry Ardisson à l'époque, pour la sortie de son tout premier film, C'est arrivé près de chez vous. » Alors, on va quand même juste rappeler à Thierry Ardisson que la première télé de Benoît Poulvorde, c'était à la RTBF, de toute façon, pour C'est arrivé près de chez vous. Et donc, ça continue cette petite guéguerre entre eux. Mais Benoît Poulvorde, il en a aussi profité pour tacler un peu les autres. Il y a Isabelle Huppert et puis Laurent Ruquier, de qui il dit « C'est un homme qui rit à ses propres vannes et avant de les dire. » Oui, c'est vrai. Et alors? Il est juste très souriant. Et alors? Oui. On ne peut pas faire ça. Et en fait, on ne peut pas. D'abord, on doit attendre que les autres rigolent. Mais donc, c'est vrai que Benoît Poulvorde arrive encore une fois à faire parler de lui. Et c'est vrai que c'est une interview qu'on peut relire dans la DH d'aujourd'hui. Christophe, en tant que journaliste, c'est pas facile de recevoir Poulvorde. Hein, ça peut vite déraper. Mais moi, je l'ai jamais reçu. Mais finalement, j'aimerais bien. C'est drôle. Oui, hein, c'est un drôle. Bon exercice. Il boit Poulvorde? Il est venu, il est venu aux Enfants de cœur. Personne n'a pu faire sa chronique. Vous l'avez rencontré alors? Sympa. Oui, oui, il est venu aux Enfants de cœur. Là, c'était. Oui. Ben, si tu nous écoutes, salut. Hommage. Tu viens quand tu veux. Une pause et le 8-9 revient après ça. Quadrus October Days, action carrelage. Oui, 2 mètres carrés plus 1 mètre carré gratuit. Quadrus à Waterloo, Havre et Zaventem, quadrus.be. Voir conditions. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. enfin, revenons sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. Demain, j'arrête de fumer. Et puis aussi de manger n'importe quoi. J'ai rencontré de graves difficultés. Maintenant, je dois me reconstruire. Pour trouver la solution à vos problèmes, faites appel à l'hypnose thérapeutique. Et pour trouver le praticien qui vous convient, hypnosia.be. Les inratables de Lindbacker. On peut rater la cuisson de son rôti, mais pas les actions promo chez Lindbacker. Embellissez avantageusement votre maison avec 40% de réduction sur les matelas de luxe Uno et Prestige. C'est chez Lindbacker. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Découvrez Monde Positif, le mouvement citoyen ni de droite ni de gauche qui va vraiment vous donner plus de pouvoir d'achat. Mondepositif.be. Chérie, combien de temps avant 22h ? 8 secondes, t'es prête ? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti ! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat ? Je sais plus. Arrête-moi ça ! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Vivacité présente. Bonjour monsieur, vous pouvez me dire dans quel rayon je pourrais trouver du respect pour les producteurs du Sud ? D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Moi, sur mon pot Nutella, j'écrirai « Je t'adore ». Des canons ou quelle biche ? Coucou pour tous mes petits loups. Beau gosse pour mon copain. Je mettrai un bisou parce que j'adore les bisous. Vous aussi, dites-le avec Nutella. Rendez-vous vite en magasin pour découvrir tous nos messages. Christophe Grandjean, vous nous rappelez l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Les transports en commun des TEC et de la STIB perturbés ce matin à cause d'une action de grève contre le gouvernement fédéral. Des problèmes surtout dans le Hainaut et en province de Liège. Perturbations beaucoup moins importantes à Bruxelles. Les trains roulent normalement. Bernard Westphal demande réparation. Après son acquittement, l'ancien député va porter plainte contre les enquêteurs qui l'ont inculpé d'assassinat et l'ont emprisonné pendant 10 mois. Le bilan s'est encore alourdi après le passage de l'ouragan Matthew sur les Caraïbes. Plus de 300 morts en Haïti. L'ouragan souffle maintenant sur les côtes américaines. Et puis Belgique-Bosnie ce soir en football. Match qualificatif à la Coupe du Monde. Côté météo, toujours assez frais ce matin. Beaucoup plus de nuages pour cet après-midi. Mais temps sec, les températures entre 11 et 16 degrés. Demain, plus d'éclaircies. Un temps variable pour dimanche, toujours au sec, entre 9 et 14 degrés. Il est 8h30. L'info dans notre région. Bonjour Bruno Schmitt. Bonjour Sarah, bonjour à toutes et tous. Des actions de grève donc ce matin un peu partout dans le pays et à Bruxelles pour dénoncer la politique du gouvernement Michel. Et parmi les grévistes, il y a certains gardiens de prison, notamment à Forêt. Les policiers de la zone midi ont donc une nouvelle fois été appelés pour suppléer les grévistes depuis hier soir. Et jusque samedi matin, 51 agents sont mobilisés. Une situation de fait que dénonce une nouvelle fois le bourgmestre de Forêt, Marc-Jean Geysels. Encore une fois, c'est l'imprévision totale de la part du gouvernement fédéral. J'avais déjà demandé avec les autres bourgmestres de la zone qu'on fasse appel à la protection civile, puisque souvent les policiers qui sont en prison pour remplacer les surveillants n'ont simplement que des tâches d'intendance qui pourraient très bien être remplies par la protection civile, qui dépend également du ministre de l'Intérieur. Mais encore une fois, aucune réaction, pas d'avis positif. Donc on a d'une part un ministre de l'Intérieur qui nous dit « je vais renforcer dans le cadre du plan Canal » les zones de certaines polices. Forêt n'est pas dans le plan Canal, ce que je trouve déjà une aberration, mais en plus, à peine les policiers arrivés pour le plan Canal, on les utilise à d'autres tâches. Monsieur Yann Bonnes, je crois que c'est qu'il est très fort en communication, mais malheureusement, sur le terrain, on ne voit pas les effets de sa politique. Marc-Jean Gaïssel s'interrogeait par Pierre Vandenbulle qui est parmi les autres soucis de ses actions syndicales à Bruxelles. Eh bien, la circulation est légèrement perturbée du côté de la STIB. Toutes les lignes sont bien de sortie, mais certains chauffeurs n'ont pas pris leur service et les fréquences sont un peu moindres dans les trams, bus et métro. Un rassemblement des employés d'ING est aussi prévu devant le siège de la banque, aujourd'hui avenue Marnix, près du Palais Royal. Les agences de cette banque qui vient d'annoncer une forte restructuration resteront fermées. Le secrétaire général de la FGTB à Bruxelles reviendra lui aussi sur ses actions. Ce sera ce midi. Philippe Van Mulder sera l'invité de BX1. Rendez-vous vers 12h45 en télé avec Stéphanie Meyer. Et puis la vente d'un... C'est un dossier qui a fait débat hier sur les réseaux sociaux. L'État belge est-il en train de vendre pour 1 euro symbolique le musée Wiertz? Et l'acheteur en question serait le Parlement européen situé à 2 pas. Alors, est-ce qu'il s'agit de rumeurs? Est-ce que l'État belge est en train de brader l'un de ses bijoux de famille? Réponse avec Myriam Ball. Alors c'est beaucoup moins clair que ça. Oui, il y a eu un accord de principe entre l'État et le Parlement européen. Mais il ne s'agit pas de vente, plutôt d'un bail de 50 ans, une emphytéose. Et puis le Parlement européen paiera bien 1 euro pour ses locaux, mais en échange il rénovera la maison et elle est très dégradée depuis des décennies. Ce n'était pas une dépense prioritaire pour la régie des bâtiments. Enfin, et c'est important, cet accord ne concerne pas la partie musée. Le site comprend une maison et un atelier, mais les œuvres d'Antoine Wiertz, peintre et sculpteur romantique, sont exposées dans la partie atelier uniquement, qui reste ouvert à tous. Et c'est seulement la maison qui est cédée au Parlement européen, un bâtiment vide et fermé au public. Alors, est-ce une tempête dans un verre d'eau? Peut-être pas tout à fait. Il faudra voir si l'Europe respecte et valorise ce patrimoine ou s'il s'agit surtout d'un accord immobilier. C'est le NVA Jan Jambon qui a la tutelle sur la régie des bâtiments et il n'est pas très attaché au symbole de la Belgique. Alors a-t-il négocié un accord qui valorisera ou qui lâchera ce petit morceau de patrimoine belge? L'homme qui a agressé 2 policiers au couteau à Schaarbeek a été inculpé. Inculpé pour tentative d'assassinat dans un contexte terroriste et pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Son frère a aussi été privé de liberté. Autre élément révélé hier, l'agresseur n'était pas un inconnu des différents services compétents. Il y a une 15aine de jours, la Sûreté de l'État a transmis une information classifiée à son sujet. Information transmise au renseignement militaire, à l'OCAM et au parquet fédéral. Restera ou restera pas à Tour et Taxi, l'avenir de l'implantation du festival Couleur Café n'est toujours pas tranchée. En coulisses, les politiques se déchirent d'ailleurs sur le sujet. Pour la région, le festival pourrait être transféré vers le parc de Seguem ou vers le Hesel. Mais la ville de Bruxelles n'est pas d'accord. Elle veut garder Tour et Taxi, Guillaume Gilbert. Mais concrètement, est-ce envisageable ? Ce n'est plus possible, selon le patron du site. Depuis 3 ans, Couleur Café occupe une partie du port de Bruxelles, en plus de Tour et Taxi. Mais cette année, le port sera en travaux. Des projets de construction sont également prévus à Tour et Taxi. Difficile donc d'y organiser le festival. Mais pour Yvan Mayer, le bourgmestre de Bruxelles, le festival doit rester à Tour et Taxi. Il pointe un parc qui se trouve sur le site et qui, selon lui, pourrait accueillir Couleur Café. Impensable, répond le propriétaire Michel Debièvre. C'est un parc où nous avons 2 grands bassins d'orage réalisés sur la partie centrale du parc. Il y a 1 million de litres d'eau de pluie qu'on peut récupérer. Un podium de Couleur Café là-dessus, c'est impensable. Des discussions sont en cours entre les organisateurs et les pouvoirs publics afin de trouver une solution. Différents sites sont envisagés, comme la gare de l'Ouest, mais la piste du site du Hesel et du parc d'Oseguem semble être privilégiée. Une idée qui ne ravit pas le bourgmestre Yvan Mayer. Si vous prenez l'ensemble des parcs de la ville de Bruxelles, il y a beaucoup déjà d'événements qui s'y déroulent et on doit les limiter. Et donc, ajouter un festival comme Couleur Café dans le parc d'Oseguem où il y a déjà beaucoup d'événements qui se produisent, c'est trop. Les organisateurs de Couleur Café n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Ils préfèrent attendre qu'une décision soit prise avant de communiquer. En football, premier match à domicile ce soir pour les Diables Rouges en qualification pour la Coupe du Monde et premier adversaire de taille aussi. Notre équipe affronte la Bosnie à 20h45 au stade Roi-Bondois. Du coup, pas de match en Pro League pour Anderlecht ce week-end, mais on jouera bien dans les divisions inférieures. En D1B, l'Union Saint-Gilloise reste sur 3 défaites d'affilée et tenteront de stopper l'hémorragie contre le Cercle de Bruges en D1 amateur. Le White Star affrontera lui Osterweig. Il est 8h36. À 9h, c'est vous qui le dites avec vous, Benjamin. Oui, premier débat sur la table tout à l'heure. Bernard Westphal, est-ce qu'il vous a touché hier quand il répète trois fois que les événements ont été durs, quand il s'en prend au parquet de Bruges et quand il dit sa prochaine démarche s'adresser au petit Victor auquel il enverra un message? Est-ce qu'il vous a touché hier? Ensuite, la direction de Caterpillar qui dit aux travailleurs de Gosselies, vous ne travaillez pas assez et si vous n'augmentez pas votre rythme de travail, eh bien nous arrêtons tout. Est-ce que les travailleurs de Caterpillar doivent arrêter de travailler pépère? Et puis tout à l'heure dans les rues de Bruxelles et dans les rues de Wavre, manifestation dans la ville du Premier ministre à Wavre. Imaginons que vous êtes ce matin en face du premier de Charles Michel, vous lui dites quoi? Vous le direz tout à l'heure. Le standard est ouvert, Marion Jomotte. Dernière ouverture du standard pour cette semaine de débat. Contactez-nous au 070-233-466 ou par SMS au 3063. Et on fait un point sur nos conditions de circulation avec Serge, notre motard. Alors visiblement, Serge, il y a des soucis de circulation à côté de l'aéroport. Oui, pour arriver à Brucargo, très exactement. En fait, il y a un piquet de grève. Enfin, ça ressemble à une espèce de piquet de grève. Là, il y a une entrée qui est bloquée. Donc, évidemment, ça rentre au compte-gouttes. Les gens même laissent leur voiture et continuent à pied. Donc, vraiment, si vous, les gens qui travaillent à Brucargo, à mon avis, c'est surtout ceux-là qui sont embêtés. Ben voilà, ils ne savent pas y arriver ou très difficilement. Voilà, c'est le quartier à éviter. Sinon, à part ça, maintenant, je me suis lancé sur la E19 en direction de Bruxelles en venant d'Anvers. Et là aussi, il y a pas mal de monde. Merci beaucoup, Serge. Tout de suite, la suite du 8-9 sur Vivacité. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Les DS Brussels Fashion Days, le rendez-vous mode de l'année. Du 14 au 16 octobre, la mode belge vous invite au Square Brussels Meeting Center pour 4 grands défilés, un pop-up de 30 créateurs, la présence des 10 écoles belges, des beauty bars et une after party par les soirées Love. Prévente ticketmaster.be. Avec DS Automobile, la Loterie Nationale et Viva Bruxelles. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? Le bruit des feuilles qui tombent? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Cet automne, Xina vous propose des cuisines 5 étoiles et leur promo 5 étoiles. Ne les manquez pas. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Vivacité présente le week-end de Maison et Architecte, un événement d'une brique dans le ventre. Besoin d'inspiration pour construire ou rénover? Visitez gratuitement des maisons conçues par des architectes wallons et bruxellois et découvrez leurs talents ces 8 et 9 octobre. Préparez vos visites sur le site maisonetarchitecte.be. Avec le soutien de l'Ordre des architectes et d'AXA Bank. Je comprends pourquoi cette Volvo XC60 est le SUV préféré des Belges. Oh, quelle voiture! Un système de navigation intégré hyper clair. Parking sans stress, avec l'assistance au stationnement arrière. Et ces 8 haut-parleurs, quels sont! Et avec plus de 8000 euros d'avantage, j'ai bien fait de pas hésiter. En ce moment, 8310 euros d'avantage sur la Volvo XC60. Pas étonnant qu'elle soit le SUV préféré des Belges. Rendez-vous vite chez votre distributeur Volvo. Le vendredi, il y a la chanson de Pat Allen. Jean-Luc est en congé, du coup, c'est Pat qui s'y colle avec vos mots. Vous avez imposé un mot chaque jour de la semaine. Pat Allen, on a le résultat. Ce sera dans quelques minutes. Le titre de la chanson? Oui. Il y a toujours un bon produit. On va parler de Marlin. C'était le mot de Raymond. Parrainage pour Pascal. Mégalodon pour Daniel. Parapluie. Martin. Mégalodon. Allez mettre ça dans une chanson. On va faire les courses alors tout à l'heure, plus ou moins. Sarah Vis, juste avant 9h, avec un bon plan. Oui, c'est une opération caritative. Hein. C'est Cooking for Sport. Ça se passe chez vous. Vous organisez ça chez vous. Et ça ne va pas vous coûter cher en plus. Notre invité ce matin, et c'est un réel plaisir de l'accueillir, c'est Christophe de Chavannes. Bonjour Christophe. Et comment ça va? Très bien, et vous? Vous avez dormi à Bruxelles, tout s'est bien passé, le petit hôtel? Pas beaucoup. Oui. Ça se voit pas. Pas beaucoup, pas assez. Non, c'est-à-dire que je suis comme vous, quand je ne dors pas, je suis au taquet. Elle ne dort jamais. Vous êtes là en tant que producteur ce matin, Christophe de Chavannes. C'est exact. Pour la tournée La Chance. Excusez-moi, est-ce que c'est normal que ce micro soit vers vous? C'est normal. Oui, nous sommes en Belgique. Non, mais je comprends tout. Vous êtes là pour la tournée H Tendre et la tournée des idoles. Absolument. Avec pas mal d'artistes sur scène, les artistes des années 60 qui reviennent sur scène. 60-70, ouais. La tournée fête ses 10 ans et ça donne ça. H Tendre, la tournée des idoles, célèbre cette année son 10e anniversaire. Avec Sheila. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Les Rubens. au bonheur des dames. Allez filles, Gérard Lenormand. Il attend plus que toi. Hugo Frey. C'était un cheval blanc. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Retrouvez H Tendre, la tournée des idoles, à partir du 4 novembre 2016, en tournée dans toute la France. Partout en France, et deux dates chez nous en Belgique, le 3 décembre au Wex de Marchand Famène, le 17 février à Forêt Nationale, chez nous à Bruxelles. Alors pourquoi avoir dit oui, Christophe de Chavannes? Vous avez repris cette tournée qui fête ses 10 ans, mais vous êtes le nouveau producteur. Oui. Et pourquoi avoir acheté la marque, comme on dit, le concept? Parce que, d'abord, c'est un métier que je n'avais jamais fait, donc c'était intéressant d'avoir une nouvelle expérience. Et puis, quand le garçon qui était, pour le coup, propriétaire de la marque, à ce moment-là, et qu'il avait récupéré après un problème, une faillite, etc. Enfin bon, bref, peu importe. J'étais tout à fait excité, d'abord à l'idée de remettre sur scène des artistes que j'écoutais quand j'étais petit, mm-hmm. ou que j'entendais à la radio avant d'aller à l'école. Lesquels, par exemple? Sheila passait ouais. à la radio à peu près 150 fois par jour à l'époque, donc je l'entendais quand j'étais petit garçon. Et je peux en citer mille autres, enfin ceux qui sont sur scène, ils sont des années 60, 70. Et l'idée de les rassembler pour monter sur scène et de faire une bande de copains qui peut à nouveau chanter devant des milliers de personnes comme il le faisait il y a encore quelques années, et puis qui font ce métier depuis des décennies. Ils ont tout connu. Ils ont connu les cabarets, les musicals, ils ont connu aussi les grands espaces. Et là, il y a une espèce de ferveur commune. Et alors on me dit, oui, mais alors est-ce que c'est pas un peu nostalgique et tout? Oui, c'est nostalgique, mais c'est de la nostalgie positive, c'est-à-dire ouais. que c'est une nostalgie où les seniors, on va dire, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, peuvent montrer à leurs enfants ce qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes, et ceux-là peuvent même montrer aux plus jeunes. Donc c'est vraiment un spectacle familial, c'est 2h30 de vrai spectacle, avec un décor, une mise en scène, une très belle lumière. Et la musique est plus forte que l'image, on est fort dans le monde de l'image aujourd'hui en 2016, parce qu'ils ont bien changé ces artistes-là, mais la musique est éternelle. Alors, par exemple, pour les années 80 ou 90, on écoute plutôt de la musique et là, vraiment, elle est très incarnée, ouais. cette musique. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est eux, ces artistes-là, qui portent leurs chansons depuis toujours. Et là, moi, je dis aux spectateurs, venez les toucher, parce que on n'est plus dans le virtuel, on est dans le réel, on va les avoir là. Mm-hmm. Ils sont encore là, ils sont au taquet, je peux vous garantir qu'ils sont au taquet. Et voilà, et là, voilà, moi je suis très heureux de participer à cette tournée et je suis très heureux de venir aussi en Belgique, à côté de Namur, hein, Marchand Famène. Marchand Famène. Oui, c'est à quelques kilomètres, oui. à quelques dizaines de kilomètres. Oui, c'est ça, voilà, enfin, pour situer. Et puis à Bruxelles. Jérôme, vous irez justement à Forêt Nationale, ça vous tente ? Oui, bien sûr. Il y a une ferveur qui est toujours extraordinaire dans ce genre de manifestation. Moi, je les ai découverts il y a 3 ans au Mans. Oui. Je suis allé voir par curiosité, avant même d'imaginer quoi que ce soit. Enfin, rien n'était... Je n'avais pas d'idée derrière la tête. Et je suis arrivé où il y avait une salle complète avec des milliers de gens debout sur les chaises. Pas tous, mais... Ils ne peuvent plus tous, mais bon... Non, mais vraiment, c'est formidable. Mais le gros avantage aussi, c'est qu'on n'entend que du tube pendant le spectacle, c'est que des tubes que tout le monde connaît. Ouais. Là, la question qu'on se pose, qu'on peut poser au producteur, c'est qu'il y a un artiste que vous vouliez et que vous n'avez pas réussi à avoir sur cette tournée. Et justement, j'ai une question, il y a Gérard Lenormand, ça fait une deuxième question. On a eu Gérard Lenormand comme invité dans le 8-9 la semaine dernière. Qui est formidable. Qui nous a dit, moi j'ai dit oui parce que c'était Christophe de Chavannes. Bah, c'est très gentil, oui. Vous avez fait quoi pour les convaincre? Bah, je ne sais pas, rien de particulier, je suis allé leur demander gentiment. Mm-hmm. Non, mais voilà, ils ont... Il les a payés plus. Comment? Il les a payés plus. Ils sont payés, oui, ça c'est clair que c'est pas... Ils ne sont pas bénévoles, je vous le dis. Et non, je ne sais pas, peut-être me font-ils confiance, peut-être avaient-ils envie d'avoir une nouveauté. Et en fait, on ne va pas faire un gala avec une succession d'artistes. On fait vraiment un vrai spectacle, voilà. Ouais. Alors... Avec Cyril Ferraud à la présentation. Cyril Ferraud, bien sûr. Parce qu'on a les dinosaures qu'on adore, évidemment, sur scène. Et puis, le tout jeune, Cyril Ferraud, c'est très contrasté. Oui, le tout jeune, mais qui cartonne tous les après-midi sur France 3, et qui est très populaire, qui est sympathique, qui est beau gosse, qui est pas couillon, qui est vraiment... et qui adore chanter, même s'il chante très mal. Il adore chanter. Donc, voilà, il colle à ça. Alors, moi, on m'a souvent demandé, pourquoi vous le faites pas vous? D'abord, je le fais pas moi, parce qu'on ne peut pas tout faire. Oui. Et je suis vraiment producteur, ça veut dire que je vais être là, je vais venir. Je vais aussi monter sur scène avec Cyril de temps en temps, ou même tout seul, parfois quand il ne sera pas là pour des obligations professionnelles. Mais voilà, c'est un nouveau job, c'est un gros job, c'est énorme, hein, c'est un barnum. Ouais. 30 zéniths ou équivalent en France ou ici, je vous garantis que c'est du lourd. Vous êtes producteur, vous êtes joueur aussi. J'ai un petit quiz pour vous, années 60. Forcément, star des années 60, à peine né, sur scène. Hein, à peine né. Attention, on fait le son du buzzer. Oui. Chacun, voilà, on est en Belgique, bien sûr. On fait le buzzer nous-mêmes. Allez, c'est parti. On peut faire nous-mêmes les micros. Attention, premier extrait. Je dépend du pénitencier, je n'ai l'idée. Facile, ça. Un point, égalité avec Patalène, Christophe de Chavannes, écrit par Hugo Frey, qui sera sur scène notamment pour... Oui, oui, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. La tournée des idoles. Autre extrait, deuxième. François. Ouais, un point pour Pascal. Il sera pas là. Michel. Oui, mais il a pas fait. Oui, il a pas fait le buzzer. Je l'aurais fait. Allez, une femme maintenant. Le temps a passé. Isabelle Aubray. Non, pas du tout. Non. Qui sera sur scène ici d'ailleurs. Non. Bon, j'avais dit Dave, mais dans cette. Non, c'est pas. Non, on écoute. Ah, c'est François Hardy. Non, c'est oui. Ouais. Il est fort, Pascal. Un dernier pour la route, Christophe. Pascal est à deux points. Ah bah oui. Elle prend la mienne. Ouais, bah, donne-moi ta main, prends la mienne. Ouais, c'est temps. Chez là, oui, je suis nul. Je vais me faire direct. Tuer. Chez là, vient d'aller va me déchirer. On va couper ça en montage. Oui. Merci, Christophe de Chavannes, d'être passé ce matin. Mais avec plaisir, merci beaucoup. Pour être en direct. Je rappelle les dates pour le passage chez nous. Oui. Ah bon. En Belgique, on est en direct. La preuve, on parle tous en même temps et on coupe pas. Donc, on est bel et bien en direct. Rendez-vous le 3 décembre au Ex de Marchand Famène, le 17 février à Forêt Nationale. Pour la tournée, cette tournée, âge tendre, la tournée des idoles. Allez-y, lâchez-vous, vous allez passer un bon moment en famille. Merci Christophe de Chavannes. Bonne journée, les amis. Et bon week-end. 8h47, la chanson de Pat Allen. Oh, il va il plus. Est muet. Il est... Non, il est là. A tout de suite. Ouf. Chez Cora, 20 euros d'achat égale 1 timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Ouais, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond. Hein. 1 et go! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Un city trip à Bruxelles, c'est aller voir l'Atomium. Wow. Sentir l'odeur des caricoles. Rencontrer Mannequin Peace. Eh, hey, ça va, tiche. Et tout ça au volant de votre tram ou bus. Faites de chaque jour un city trip en devenant chauffeur à la STIB. Rendez-vous vite sur jobs.stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Votre jardinerie pépinière Le Longfond. Pépinière Le Longfond. C'est 750 mètres carrés couverts pour vos plantes, décorations, meubles de jardin et produits du terroir. C'est vendredi, samedi et dimanche. Profitez de nos actions portes ouvertes. Le Longfond, chaussée de Bruxelles, à 500 mètres du château de la Hulpe. Pépinière Le Longfond. Le 8-9. Se reboutonne, il se concentre, c'est Pat Allen qui remplace Jean Lufonc cette semaine avec 4 mots. On a pour Raymond Marlin, proposé lundi, parrainage pour Pascal, mégalodon pour Daniel, parapluie pour Martine. Le titre de votre Ça commence chanson. Déjà. Et c'est « Il y a toujours un bon produit ». Il y a toujours un bon produit à la guitare. Pat Allen sur la une et sur Vivacité, c'est parti. Tous ces champions à la piscine qui nagent comme Steve Austin, ben c'est grâce au doping, mais surtout à la schnouf qu'ils ont mis dans leur groin. Normal que s'ils nagent comme des marlins. Mais y a pas qu'à la piscine qu'ils poussent dans leurs narines tous les haltérophiles, le judo, les cyclos, parrainage de PO, une heure pour faire Paris-Bordeaux. Ben moi quand je suis à plat plat, un Red Bull et de la vodka. Et le soir si j'en ai besoin, oui un petit joint. Je fais de la plongée sous-marine, mais seulement en piscine. Si je prends un parapluie, ben je suis mouillé, tant pis. Puis s'il y a pas de requin blanc, encore moins des mégalodons. Escroc. Le sport faut jamais commencer. Moi je veux mourir en bonne santé. Et si on buvait quand même un dernier. Guitare, avec les quatre bons. Oh, c'était un peu... Voilà, mettre mégalodon. Qu'est-ce que c'est un mégalodon? Requin blanc et mégalodon, la rime est... Non, mégalodon, rappelez-nous ce que c'est. Un requin blanc, mégalodon. Un mégalodon, c'est un dinosaure. Un mégalodon, c'est un... Je crois que c'est un vieux requin qui a disparu depuis des millénaires. Qui était méga, entre 16 et 25 mètres. Punaise. Ah, il ne faut pas l'avoir dans sa baignoire. Ah non. À réentendre, à revoir aussi sur le site vivacité.be ou sur notre page Facebook. Merci, Patalène. Sarah est là, prête aussi, pour nous parler de Cooking for Sport. On va faire du sport en cuisinant. Nous, on ne fait pas de sport. Hein. Ouais. C'est pour permettre à des enfants défavorisés de faire du sport, d'avoir accès au sport. C'est juste après la pause. Il est 8h52. Une concession automobile qui offre 3 ans de garantie et lave gratuitement votre voiture? Non, vous ne rêvez pas. Chez Land Rover Dragon Boss, à l'achat d'une Land Rover de stock, vous recevez 3 ans de garantie, plus 3 ans de garouage gratuit. Découvrez notre vaste assortiment de modèles en stock chez Land Rover Dragon Boss. Offre valable également chez Land Rover Brussels à Zaventem et Waterloo. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Nouveau, Komiyakaza Delicious. Réservez un moment rien que pour vous et savourez la lasagne royale, les raviolis di mare ou les farfalle pancetta formaggio. Komiyakaza. Apportez un peu de chaleur. Et pour toi, qui a le meilleur prix? Le meilleur prix? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Salut, c'est Kevin Miralas sur Vivacité, la radio diablement complice. Découvrez Monde Positif, le mouvement citoyen ni de droite ni de gauche qui veut en faire plus pour le recyclage et la planète. Mondepositif.be. La Fnac fête ses 35 ans et vous couvre de cadeaux. Jusqu'au 30 octobre, profitez d'offres spéciales anniversaire Fnac jusqu'à moins 40%. Tous à la Fnac et sur Fnac.be. Fnac. Offre soumise à condition. Le grand carnage social s'amorce dans le secteur bancaire. Une vengeance des banques, après leur sauvetage par les États et les règles qui leur ont imposé, l'enquête dans le Vifle Express. Le Vifle Express, pour ne rien vous cacher. Avec le Vif Extra, Voices of America. Jusqu'à 9h. Le 8-9. C'est pas parce que c'est vendredi qu'il n'y a pas la cuig, la question d'une intérêt général. Mais il ne faut pas pouetter normalement sur ça. Non, la pouetter surtout. C'est la cuig, pas la pouette. Des plans secrets de la centrale de Tihange, je circulerai sur le web qui lancerait l'adresse internet. Gigi Massimo propose les Tihange de la télétractabilité. De les Tihange. Comment? De la télétractabilité. J'avais dit de prendre votre temps, mais on quand même. On n'a rien compris. Benoît Demain, www.hiroshimamonhumour.lol. Oh. La cuite du jour, la Belgique ne frappera bientôt plus à monnaie. Qu'inscririez-vous sur une pancarte en guise de protestation? Rendez-vous sur la page Facebook du 8-9. Commentez, soyez drôle, c'est le principe. Et puis sélection, correction, lundi avec Benjamin Maréchal. J'en trouvais un autre. Normalisation. Oui. Non, ça ne vient pas. Simulation. Pourtant, voilà. Des mots en fion, il y en a quand même pas mal. Mais non, mais comment? Dégustation, voilà. Oh là là, il vient de loin celui-là. Dégustation avec vous, Sarah Viss, Cooking for Sport. Oui, face dégustation. Oui, tout à fait. Alors, c'est donc, je vous le disais, le plus grand. L'ambition, c'est de faire le plus grand dîner caritatif du monde, donc à la maison. Mm-hmm. C'est une opération organisée par le MW Fund qui œuvre en fait pour donner l'accès au sport aux enfants défavorisés. Sarah, avec le Viva for Life, vous connaissez les chiffres encore. Hein, il y en a beaucoup en Belgique qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc là, vous vous occupiez des petits, mais quand on va jusqu'à 18 ans, ben c'est encore plus, évidemment, les enfants, les adolescents. Alors, c'est vrai que le sport, ben c'est bon pour la santé, évidemment, pour le moral. Mais si, Jérôme, je vais réessayer. Je l'ai dit de ma chanson, moi, le sport, je l'ai arrêté. Mais non, mais pour la confiance en soi, se sentir intégré aussi, parce que ces enfants ne se sentent pas toujours intégrés, mm-hmm. n'ont pas les moyens. C'est vrai que le sport, c'est un droit. Ce n'est pas facile pour toutes les familles de financer une cotisation, un club, d'acheter de l'équipement. Et donc, ce fonds permet de payer ces frais-là, de faire des stages, par exemple. Le sport, bon pour l'inspiration aussi, Jérôme. Allez courir. Hein, allez courir un peu. Mais je cours. Non, et c'est l'association qui avait déjà organisé Dine with the Star, qui vous avait acheté aux enchères. Oui. On a pu manger avec vous. Il paraît que vous avez été acheté cher, on m'a dit. Hein. Oui. 3000 euros quand même. Oh, le prend cher. C'est un peu gênant. Mais c'est vrai que. Non, mais apparemment, c'était une des meilleures enchères. Franchement, ça les vaut. C'était un rêve. On a passé une super belle soirée. Voilà. Alors qu'au 4G de la RTBF, pour un croissant et un verre de jus. Voilà aussi. Bon, ça dit, je vais vous expliquer quand même le principe de cette opération. En fait, c'est super facile. Vous invitez des amis à la maison et au lieu de leur demander, enfin vous leur demandez pas en général, mais les gens amènent des fleurs, un dessert, une bouteille de vin et vous leur dites n'amenez rien, amenez juste un peu de sous ou beaucoup, évidemment c'est encore mieux. Alors, n'amenez rien, juste 2000 euros. Non, mais vous amenez ce que vous voulez et que vous allez mettre dans la tirelire de ce fonds qu'ils vont vous envoyer. Donc c'est accessible à toutes les bourses, on peut très bien faire un bolo avec ses amis comme d'habitude et voilà, et mettre 1 ou 2 euros, il y aura des tirelires comme disait l'organisateur à 20 euros, tirelire à 200 euros, donc tout est le bienvenu évidemment. Alors comment on fait si on veut participer? Oui. On va sur le site du mwfund.be, donc on s'inscrit en choisissant une date, alors une date symbolique qui est celle du 12 novembre qui a été choisie, mais en réalité on peut le faire quand on veut, ce week-end, le week-end prochain, etc. Le mwfund vous envoie alors la tirelire, mais aussi des cartons d'invitation. Un peu comme quand on était enfant, on peut inviter à envoyer cool. à ses amis les petits cartons d'invitation. Et voilà, donc il y a la tirelire, il y a aussi moyen de payer par virement bancaire qu'on vous fournit, pré-rempli, par SMS, etc. Alors moi, je me disais, ça serait sympa de se prendre en photo pendant le dîner, oui. de mettre le site, comme ça, en plus, ça peut faire des émules sur Facebook. C'est, voilà. De nombreuses donc, personnalités soutiennent à l'opération. Ah oui, il y a beaucoup ouais. de personnalités, grands sportifs belges, Nafissa Toutiam, Vincent Compagnie, Michel Preud'homme, Olivier Rocus, Steve Darcy, enfin il y en a vraiment plein. Et l'idée vraiment de tous ces sportifs qui ont accepté d'être ambassadeurs, c'est de dire le sport m'a amené quelque chose et j'ai envie de le rendre aux enfants qui n'ont pas les mêmes chances que les autres. Mais c'est pour pas en faire de grands sportifs, hein. C'est juste. Non, voilà, c'est vraiment. Au sport. Exactement. Ouais. C'est bon pour la santé, le moral, comme je, tout à fait. Je le répète. Et c'est réel. Vous courez, cela dit, vous, Jérôme? Alors, je cours deux fois par semaine, ouais. à peu près trois quarts d'heure, et je fais même un petit peu de rameur. Ah, ouais. Ce qui explique ce coffre. quand on me regarde, on dirait un. Ça fait des années que tu rames, c'est vrai. Mais je galère, mais on peut le dire. Toutes les infos, hein, cela dit, pour se souper sur vivacité.be ou sur le site de l'association, c'est mwfound.be, mwfound.be pour Marlène de Waters Foundation, en anglais, je ne suis pas sûre de le tenir celui-là. Rendez-vous sur le site pour avoir toutes les infos. Dans quelques secondes, la météo avec Nicolas Xavier Ladouze, et puis c'est vous qui le dites avec Benjamin, et comme toujours, les trois débats, vous pouvez réagir dès à présent. Bonne journée tout le monde et bon week-end. C'est la semaine du commerce équitable en Belgique. À cette occasion, Vivacité vous offre des boucles d'oreilles en or équitable. Écoutez Vivacité et remportez ce bijou. Découvrez les différentes activités organisées sur semaine-du-commerce-équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Bon, tout à l'heure, c'est vous qui le dites, mais dans l'immédiat, quand c'est bien, il faut le dire. Nicolas Xavier Ladouze, c'est quasi le week-end. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah oui, et ça, chez vous. C'est la bonne nouvelle. Oui, et chez vous, nouvelle. C'est bon? Bah écoutez, c'est pas beau, c'est très très nuageux. Alors, on a bien un petit peu d'éclaircie, un ciel tout bleu en Belgique. C'est sur une toute petite partie du Westhoek, vous savez, là, ce côté ouest du littoral. Par exemple, à Bergue, en France, il fait grand ciel bleu, mais chez nous, en toute région quasi, eh bien, c'est bien chargé avec ces nuages qui débarquent d'Allemagne. Ils circulent à partir du nord-est, ils sont parfois doublés par des brumes, du brouillard, voire encore un peu de bruine par endroits. Ça va redevenir quand même plus sec au fil des heures et ça aura tendance à s'ouvrir cet après-midi, surtout en seconde partie d'après-midi. Quant aux températures stationnaires par rapport à hier, elles afficheront de 11 à 16 degrés. Bienvenue sur Viva, 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Des actions syndicales donc pour célébrer le deuxième anniversaire du gouvernement Michel. Pas de grève générale, mais des actions un peu partout à Bruxelles et en Wallonie. On va les détailler dans un instant. Les travailleurs veulent attirer l'attention du gouvernement sur les mesures à venir, comme la flexibilité du